Deuxième scandale. À Saint-Étienne, tous les mois. Sur Radio Dio 89.5. Et sur radiodio.org. C'est pour mes suceurs. C'est pour vous, mes suceurs. C'est pour mes suceurs. C'est pour qui? Celle-là, c'est pour mes suceurs. Ouais, toi aussi, là. Pour mes Dylan, pour mes Beuteux, pour mes Chibrax, pour mes trans, PD Queen. Je ne tends pas l'autre joue, je tends mon cul, camarade. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour et bienvenue à l'émission Pédale Scandale, une nouvelle émission de radio par et pour des PD. Alors pourquoi cette émission? Ben déjà parce qu'il n'y a plus d'émission PD sous nos latitudes, à notre connaissance, mais on veut bien des infos si vous en avez. Ensuite parce que plus on est de folles, plus on rigole. Et puis il paraît que Radio Dio, c'est une radio libre et impertinente. On s'est dit que c'était tout à fait nous et qu'on allait y rajouter un peu de scandale. Alors c'est en effet une occasion pour nous et pour les auditeurs de nous retrouver entre nous, entre PD, cis et trans, avec des parcours parfois similaires mais souvent différents, pour parler de nos vécus, de nos points communs et de nos différences, partager nos préoccupations et des choses de notre quotidien, échanger sur nos luttes, pousser nos coups de gueule, rassembler nos stratégies et faire front commun contre le cis-hétéropatriarcat et nous solidariser avec d'autres luttes. Même si nous sommes plusieurs à fréquenter le milieu transpédéguine et féministe et à nous investir pour organiser des trucs en mixité choisie, nous sommes souvent peu de PD6 et trans au final, ce qui fait que nous avons peu d'espace pour parler et partager nos vécus. Alors oui, bien sûr, il y a les WEP, les week-ends PD, entre PD politisés, ça existe depuis 2012, depuis 10 ans en autogestion. On est plusieurs à y être allés, mais les web, c'est deux fois par an en général. C'est pas forcément accessible pour nous tous pour plein de raisons, dont on pourra parler à l'occasion. Et même si c'est super, qu'on en revient souvent boosté à bloc ou en tout cas inspiré, au retour, on se retrouve la société cis-hétéropatriarcale dans la gueule et notre isolement aussi. Voilà le pourquoi de cette émission radio. On pense qu'on a des trucs à dire et à partager. La radio nous paraît un super moyen pour le faire, accessible, pour transmettre des infos sur la culture PD, échanger des points de vue différents, réfléchir des thématiques spécifiques selon les émissions, et tout ce qu'on construira ensemble, et avec vous, on l'espère, grâce à vos retours et vos idées. C'est parti pour cette première émission. Déjà, pourquoi on utilise le mot PD et pas gay? Ça veut dire quoi pour toi? Et c'est quoi être PD aujourd'hui? On écoute un premier morceau de musique. Quand je t'ai vu, j'ai vite compris qu'il fallait que j'aille te parler. On s'est raconté presque tout dit. On a fini par s'embrasser. Et vous venez d'écouter Robert, je t'aime de Nocif. Et pour commencer, on commence par la première question qu'on avait envie de se poser et qu'on a posée Des camarades PD qui sont pas à Saint-Étienne, qui sont un peu loin, mais qui nous ont envoyé des petites réponses et on a fait un montage et du coup sur la question de est-ce que on se définit comme gay ou comme PD. C'est parti. Du coup, c'est pourquoi PD plutôt que gay, ça c'est la première question. Et la deuxième, c'est comment t'en es arrivé à te définir PD. C'est la deuxième question. Du coup, j'ai envie de répondre aux deux en même temps. Alors, ben du coup, moi, je me suis senti gay depuis tout gamin, à partir du moment où j'ai senti des désirs. Du coup, ça remonte à la primaire. Du coup, il n'y avait pas de mot dessus au démarrage. Puis, il y a eu le mot homosexuel, gay, et les insultes qui sont venues dessus. Donc, moi, au début, j'ai dû me considérer comme gay, je pense, pendant que j'étais, on va dire, à la fac, lycée-fac. Et du coup, j'en suis arrivé à me définir PD à partir du moment où j'ai quitté les études à 20 ans pour rencontrer le milieu anarcho-féministe. Et du coup, de cette rencontre est né le fait que je me définisse comme PD et en croisant les copains des milieux TPG, quoi, qui sont les milieux transpédéguines à l'époque. Et du coup, bah, c'est là que j'ai appris la réappropriation de l'insulte, comme un truc qui nous donne un peu du pouvoir, donc de se traiter de PD, mais en y mettant de la force, et pas toute la honte qu'on aimerait qu'on y accole. Du coup, voilà, ça m'a fait aussi me rendre compte que ben la différenciation entre ce terme PD et ce terme gay, qui, pour moi, marquerait une forme de frontière entre un monde militant mais plutôt anarcho-féministe et un monde plus militant mainstream, en tout cas voilà, je la mettrais un peu là, la différence. Du coup, comme moi je venais du milieu punk anarcho et féministe, et j'ai épousé la cause de la pédalité et je sais pas si ça se dit et du coup, voilà, donc c'est des trucs qui me parlent beaucoup plus parce que dedans, il y a des idées de ne pas essayer de s'intégrer à cette société qu'on n'aime pas, ne pas essayer de plaire aux gens qui nous détestent. Donc plutôt se plaire dans l'anticonformisme, se poser des questions sur les systèmes de domination qui sont dans notre société. Enfin, du coup, ça faisait plein de choses comme ça qui pour moi étaient des questions politique intéressante et ne pas se vautrer dans le capitalisme et puis d'autres choses comme ça qui me paraissaient un peu absurdes d'un point de vue de ce que je pouvais observer du monde gay mainstream, mais comme je le fréquentais aussi très peu, j'avais pas une vision de l'intérieur parce que moi j'ai directement sauté dans les espaces plutôt TPG que dans les espaces militants LGBT. Donc j'ai appris d'abord à les détester avant de peut-être un peu les connaître mieux. Voilà. Coucou, c'est marrant que tu poses cette question-là, parce que figure-toi que moi, ces derniers temps, j'avais un peu une crise existentielle autour du mot que j'utilise pour me définir. A priori, j'utilise tout le temps le mot PD, sans trop me poser la question, parce que voilà, c'était une évidence de, je sais pas, ne pas vouloir m'associer avec la majorité des types qui traînent sur Grindr, de vouloir formuler un refus de la norme cis-hétéro-patriarcale, etc., etc. Et en fait, je me suis rendu compte que maintenant, la majorité du temps dans ma vie, je suis avec des personnes queer féministes dans des espaces qui sont queer féministes, qui sont anarchistes, où des fois, on a quand même tendance à un petit peu faire des concours de qui sera le plus déconstruit et qui sera le plus queer et qui sera le plus genderfuck. Et des fois, dans ces contextes-là, ben, je vois bien qu'il y a plus de méfiance envers des types qui correspondent à une pseudo-définition de gay et qui, du coup, vont pas être des gigafolles, qui vont pas renvoyer beaucoup de féminité et qu'on connaît pas, enfin qu'on n'a pas forcément déjà croisé à toutes les AG des mêmes collectifs, etc. Et du coup, il y aura plus de méfiance envers ces types-là qu'envers les pédales qui sont les plus folles possibles, qui mettent beaucoup de distance avec la masculinité, qui sont en mode full make-up, full vernis, etc., qui ont des comportements et des manières d'être qui les out tout de suite. Il n'y a même pas la question qui se pose, quoi. Enfin, c'est une évidence pour tout le monde. Et je crois que ça m'a saoulé, en fait, parce que je me suis dit... Enfin, moi, je trouve ça super qu'il y ait plein de pédales qui soient giga folles, qui expriment leur féminité comme ça, et qui soient extrêmement visibles. Mais je crois que je trouve ça pas juste que ces personnes-là, on va forcément les voir comme moins menaçantes, et du coup, bah, les intégrer directement parce qu'elles correspondent aux attentes de distance avec la masculinité. Et bah, les PD plus masculins... je sais pas, des fois plus placard ou pas, hein, mais moins visible, etc. Et ben eux, on va se méfier et on va surveiller ce qu'ils font, on va surveiller ce qu'ils disent. On va pas leur faire confiance. Des fois, on va s'adresser à eux comme s'ils n'avaient pas le droit d'être là, alors que, enfin, nous, on n'a rien demandé, quoi. Et du coup, bah, dans ces contextes-là, je crois que des fois, j'ai envie de dire que je suis gay pour casser les couilles, en fait, juste pour parce que ça me saoule. Que les... J'ai l'impression qu'en fait, on dit ah, on se définit comme PD parce que c'est on se réapproprie une insulte, un truc qui est péjoratif dans la bouche des gens en général, et que nous on a envie de se l'approprier et d'en faire quelque chose de puissant. Et en fait, bah, je crois, moi, il y a plein de fois où j'étais dans ces fameux réseaux-là, queer féministes de ma ville, avec des potes, et qu'en fait, les gens disaient gay comme quelque chose de péjoratif, et bah, ça me saoule, enfin, parce qu'en fait. Souvent, les gens qui disent gay de manière péjorative, c'est en mode j'ai eu que des expériences horribles sur Grindr, ils sont tous hyper méchants, les gacistes sont horribles, les gacistes m'ont traumatisé, et du coup, c'est des personnes affreuses et ils sont tous dangereux. Et je crois que je comprends comment on en arrive là, sauf que je suis pas d'accord avec ce genre d'idée. Et du coup, bah, j'ai envie de reprendre ce mot pour dire bah non, en fait. Plein de gens qui disent gay, qui sont dans une culture plutôt mainstream et qui en fait sont des personnes très bien, qui ne demandent qu'une seule chose, c'est de nous rencontrer, d'être nos amis, nos amants, de venir à des réus, de parler avec nous, d'apprendre des trucs, de se rendre compte qu'ils sont cons quand ils sont cons, etc. etc. Et du coup, bon, ben, des fois, j'ai envie de dire aux gens, alors oui, les queer féministes transpédéguines, certes, c'est la famille. On est potes, on est camarades, etc. Mais moi, toute la communauté gay, j'ai pas envie de l'acheter dans le caniveau et de me distancier d'eux le plus possible. Parce que ben, pour moi, c'est la famille aussi. C'est plus avec eux et dans leur cercle que je vais trouver des endroits pour, je sais pas, pour parler de mes kinks et mes fétiches que à plein d'endroits de la communauté queer où en fait, ben, mes kinks et mes fétiches, ils sont pas représentés. Ils sont pas, on n'en parle pas, ou alors on trouve qu'ils sont dégueulasses. Alors que, ben, peut-être sur Grindr, je trouverais plus l'occasion de vivre ça en commun avec des gens. Bref, et puis plein d'autres raisons, quoi. J'aime pas quand on met les gens dans des cases, ou j'aime pas quand on a plein d'a priori, et que ça fait qu'après, on a envie de dégager plein de gens tout de suite, quoi. Wow. Intense. C'est intense de découvrir ça à l'antenne. C'est clair. Et alors, qu'est-ce que ça vous fait là en studio ? Parce qu'on est revenu au studio 89.5. Radio Dio. Moi, ça me fait penser à plein de trucs, hein, mais j'ai l'impression que c'est un peu des discussions qu'on a eues en préparant l'émission, quand on parlait de ces histoires de comment on se définit, de comment on se définit face à qui aussi. Et que là, la deuxième personne qui parlait. Ben, précise bien que ce dont elle parle, en fait, c'est de comment elle se définit dans un milieu dans lequel elle vit et dans lequel elle est baignée tout le temps. Et que du coup, l'envie, c'est de prendre les trucs à contre-pied parce que, en fait, dès qu'on commence à définir des trucs, ben, on commence à créer des nouvelles normes. Et du coup, ben, l'espèce d'étape après réapproprier l'insulte, c'est que du coup, finalement, tous les gens qui n'ont pas accès à ce genre de trucs seraient les pires personnes du monde. Et en fait, on sait que c'est pas vrai. De affirmer ça et machin. Mais du coup, moi, ça me fait penser un peu aux discussions qu'on avait eues je sais pas, de ben, ce truc de réapproprier l'insulte, ça va avec le... Se réapproprier l'insulte, c'est pour pouvoir dire « je suis pédé » à quelqu'un et que cette personne, ça lui fasse lever les sourcils un peu en mode « ah bon, d'accord, on a le droit de dire cette phrase et que ce soit autre chose qu'une espèce d'énorme blâme qu'on se mettrait sur soi-même. » Moi, je voudrais rebondir sur ce truc de la réappropriation de l'insulte, là, en fait, parce que j'ai l'impression aussi, dans les deux commentaires qu'on a entendus, qu'il y a aussi une... C'est un parcours de devenir PD, en fait. C'est, on devient... On n'est pas PD, on le devient pour parodier Simone de Beauvoir. Et en fait, moi, je m'appelle Jean-Luc. Du coup, quand j'étais petit, mon surnom, c'était Jean-Cul le PD. Et du coup, en fait, c'est un truc d'être PD qui, pendant longtemps, était pour moi quelque chose que je voulais pas être, parce que c'était vraiment cette insulte. Et c'était vraiment, quand j'étais petit, c'était dès l'école maternelle. Je savais même pas ce que c'était qu'être PD, j'avais aucun désir. Enfin, mais c'était quand même, on me crachait ça à la gueule, comme si c'était honteux. Et du coup, il m'a fallu longtemps pour accepter ce terme de PD. Par exemple, quand j'ai fait mes études, la première fois où je suis allé voir une association LGBT, ils m'ont dit qu'on pouvait se réapproprier. C'était la première fois que j'entendais ce concept de réappropriation de l'insulte. Et j'en voulais pas. Je leur ai dit non, pas du tout, en fait. Moi, je suis homo ou je suis gay, en fait. Mais je voulais pas de cette insulte parce qu'elle m'avait trop blessé, trop marqué, et qu'il a fallu que des années pour que je m'en défasse. Et c'est en rencontrant des copains, copines dans les milieux LGBT qui se définissaient comme PD que ça m'a donné la force de pouvoir me réapproprier cette insulte. Et en fait, de dire que c'est pas une insulte, en fait, c'est un état de fait. Et c'est comme ça, je suis PD. Et si ça vous va pas, je vous emmerde, en fait. Mais vous avez pas besoin d'insulter les gens avec l'état de fait dont je suis. Allez vous faire foutre si ça vous va pas. Moi, je vous traite pas d'hétéro. Et c'est pourtant tout aussi insultant, en fait, à mes yeux. Encore qu'on pourrait, ouais. Oui, c'est drôle parce que... sur ce truc d'insulte, je crois que ça arrivait assez tôt qu'on me traite de PD. Je pense que j'étais au collège où je discutais avec un pote les jambes croisées et qu'il y a une personne qui me dit « décroise les jambes, on dirait un PD ». Et pour le coup, alors ça va être rigolo parce que moi je suis PD mais je suis pas gay, je suis lesbienne. et je suis PD parce que je suis une personne transfemme et du coup, mon quotidien, c'est un quotidien de travlo. Et qui se rapproche beaucoup à plein de moments de ma vie. Les insultes de PD, elles me suivent au quotidien. Et vraiment, je me suis réapproprié cette insulte, effectivement, mais assez tardivement. Je voulais vraiment pas être PD pendant très longtemps. J'aimais les meufs, c'était comme ça. Et puis en fait, à un moment, c'était moins honteux d'être trans que d'être PD. Et j'ai attendu... un moment après mon coming out trans pour réussir à me dire oui, ben en fait, ouais, je suis PD, les gens me perçoivent comme tel, mon vécu il est dû aussi c'est pas dans le fait que je sois trans, mais c'est qu'en tant que trans, je suis perçu comme PD et c'est ça qui me rend ma vie galère à plein d'endroits. Ouais, du coup, l'identité PD, c'est pas une identité sexuelle, en fait, c'est quelque chose qui est un peu dans l'ordre du genre, en fait. On se définit en tant que PD, mais c'est pas parce qu'on couche avec des mecs ou qu'on est PD forcément, quoi. C'est aussi dans le regard des autres, comment les autres nous définissent. Et c'est souvent sous le sceau du mépris, en fait. Et en fait, c'est ça, c'est tout ce truc du mépris qu'il faut changer, en fait. Et j'espère que cette émission, elle va y aider, quoi. Bah oui, j'ai l'impression que ça rejoint vraiment ce truc de se définir, quoi, de... Moi, ça me parle grave, ce truc de PD, c'est mon genre, c'est pas mon orientation sexuelle. J'ai l'impression que de toute façon, si la vie, elle est galère en tant que pédale, c'est parce qu'il y a ce truc des gens osent dévier des normes qui sont associées à la masculinité, que ce soit en couchant avec des gars ou en ayant des comportements ou des façons de s'habiller ou je sais pas quoi. Qui colle pas avec ce qu'on attend et que du coup c'est oser toucher à la norme sacrée de être un gars mais du coup c'est marrant parce que ça va vraiment, enfin c'est encore un autre truc que ce que disait justement le pote dans son témoignage, qu'il y a aussi des gens qui en fait, genre, je sais pas comment dire, dans leur performance de genre ou de vie ou machin, dévient pas forcément de ce qui peut être un homme pour les gens en général. Et que là, tout à coup, ça revient à ce truc d'orientation sexuelle et qu'en fait, c'est méga important aussi parce qu'en fait, il y a des trucs de solitude dans la vie qui vivent là-dessus, mais que ça fait... Enfin, j'ai l'impression que ça mélange un peu tous ces trucs. Mais parce que les trucs d'orientation sexuelle, c'est déjà dévié, même si physiquement, c'est pas forcément visible, c'est déjà dévié de la norme masculine attendue. Est-ce que PD par rapport à gay, ce serait être comme plus conscient de tout ça, justement? Enfin, c'est caricatural, hein, mais est-ce que les gays, bah, justement, ils seraient plus assimilés à des hommes et du coup, vivraient pas les mêmes discriminations ou les mêmes oppressions? Et est-ce que PD, ce serait plus conscient politiquement? C'est une question. Hein. Moi, comment je le vois, c'est que... en tout cas, j'ai l'impression que les personnes qui définissent PD autour de moi sont aussi dans d'autres, enfin, sont dans une lutte quotidienne aussi contre d'autres rapports de domination. Du coup, le capitalisme, le racisme et bien d'autres. Et ouais, et je trouve aussi plus proche des milieux féministes. Et du coup, avec aussi des réflexions sur le consentement. Moi, c'est comme ça que je fais la différence, en tout cas. Mais peut-être qu'il y a d'autres manières de voir les choses. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression que là, enfin, que je vois exactement l'endroit du sens de ce que, encore une fois, disait cette personne dans le témoignage de... en fait, c'est un endroit où se définir dans des milieux et tout ça, mais que l'idée, c'est pas... Enfin, je sais pas comment dire. Je pense qu'il y a des moments où ça fait du bien de s'en servir pour s'opposer, enfin pour faire des sortes comme ça de trucs qui s'opposent avec un milieu gay qui ne nous plairait pas, qu'on a rencontré ou pas. D'ailleurs, moi, je suis plutôt dans la même situation que la première personne qui parlait de, en fait, avoir passé ma vie avec des personnes TPG avant de sortir du placard et du coup avoir pas du tout, je sais pas, avoir pas du tout mis les pieds dans un club gay mainstream avant ça. Et que du coup, je sais pas comment dire, qu'il n'y a pas forcément une opposition qui se met en place, d'autant plus que j'ai l'impression que dans nos luttes et dans quand on s'organise dans la vie, on se rend bien compte qu'il y a aussi tout un tas de gens qui sont genre ni dans l'un ni dans l'autre de ces catégories. Mmh. Et que du coup, poser des trucs hyper radicaux de un peu, si t'arrives pas à te définir comme PD, ça veut dire que tu es dans l'autre camp des gays mainstream sur le char énergie de la Pride. Ben, en fait, c'est faux et ça marche pas parce qu'il y a aussi tout un tas de gens placards, tout un tas de gens qui vivent leur homosexualité en scred ou pas du tout, ou machin. Et du coup, j'ai l'impression que ça sert surtout à ouvrir des portes qu'à dire il y a les bons et les mauvais. Quoi. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Enfin, moi, dans mon travail, j'insiste sur le fait que je suis PD et je peux me le permettre dans mon travail, du coup, parce que j'ai pas mal de gens qui viennent, qui parlent de leur sexualité en général. Donc, c'est souvent des HSH, des hommes qui font du sexe avec d'autres hommes. Et du coup, souvent, ils sont pas outés. Enfin, ils ont leur sexualité, elle n'est pas déviante puisqu'ils la vivent. Mais on n'en parle pas. Il n'y a qu'avec moi qu'ils en parlent souvent. Et du coup, leur dire que je suis PD, ça leur, tu vois, ils sont, ça les, comment dire, soulage ou réconforte, parce que en fait, on peut voir que quelque chose qui eux leur semble une insulte, en fait, c'est quelque chose que j'en fais une force. Et du coup, je pense que ça, moi, il y a ce côté réconfort et quand ils sortent, hop, ils sont un peu plus sûrs d'eux-mêmes, un peu plus rassérénés, voilà. Donc, et alors que c'est des gars qui se définissent ni comme PD ni comme gay, parfois ils arrivent à dire qu'ils sont bi, mais des fois ils se définissent comme hétérosexuels alors que c'est des HSH, quoi. Moi, je veux bien juste rajouter un truc qui me vient là, c'est que je crois que je comprends ce que dit la personne et ce truc un peu de provoque dans certains milieux de se redéfinir comme gay et tout ça. Mais moi, je crois que personnellement, j'en ai trop chié. Ça a pris trop de temps avant que je me sente légitime à me dire PD et parce que je suis un mec trans et que du coup, plutôt, on m'a vu une grosse partie de ma vie comme Gwyn et que c'était un truc qui ne m'allait pas non plus. Mais je pense que j'ai mis du temps à capter qu'est-ce qui se passait. Et du coup, tout le début de transition, je me sentais pas légitime à aller dans ces espaces. J'ai toujours eu plein de potes PD proches de moi, mais du coup, j'avais l'impression de leur voler leurs espaces, quoi, qui sont pas en plus nombreux. Et du coup, ça a été vraiment un processus long, je crois, avant de me sentir légitime. Et du coup, je crois que je suis pas prêt de maintenant lâcher ce truc

et très amoureux, souvent, tout le temps. Et je trouve que bah, être un gars qui tombe amoureux d'autres gars, ben, ça me donne une place dans le monde que j'aime bien. Parce que ça me donne la chance de pouvoir vivre des trucs entre hommes qui sont pas de l'ordre du concours de muscles, concours de virilité, de la violence, de se faire mal, d'essayer de dominer d'autres personnes pour montrer qu'on est le plus fort, etc. Mais plutôt que ça nous permet de vivre plein d'échanges hyper tendres, que ça nous permet de se trouver dans le monde, de se trouver une place en dehors du concours de la domination, là, et de se questionner, de s'entraider sur des trucs qui touchent ben, spécifiquement des gars, et de se donner du pouvoir à l'intérieur de ça, de se donner du pouvoir avec des trucs que tout le monde pense que ça nous dégrade, comme la sodomie. Enfin, je pense que c'est une place unique dans le monde que je trouve hyper belle et qui donne un regard sur la masculinité que j'aime bien. Parce que moi, j'aime bien partir du principe que être un gars slash la masculinité, c'est pas forcément des trucs qui vont être négatifs, ni dominants, ni dangereux. Et que je pense qu'en tant que PD, on a une place privilégiée pour voir ça et pour voir toute la tendresse que certaines personnes ont en elles. Et pour moi, être PD aujourd'hui, ça veut aussi dire revendiquer qu'on a une sexualité qui est déviante, et pas juste déviante par rapport à la norme hétérosexuelle, mais aussi déviante parce que la plupart d'entre nous, on a des fétiches chelous, on a plein de kinks, on fait du BDSM, on fait du sexe qui est pas vanille, qui est pas conventionnel et qui est pas propre. Et je trouve ça hyper important de le revendiquer, notamment pour se distinguer de tout le militantisme LGBT puritain qui aimerait que la Pride soit un événement family friendly, que ce soit surtout pas choquant, qu'on montre pas des trucs de notre sexualité débridée et tout ça, tout ça. Et, parce que bah, moi, c'est vraiment grâce au réseau PD et grâce à des pédales que j'ai pu m'épanouir dans ma sexualité et spécifiquement m'épanouir dans ma pratique du BDSM et capter que j'avais plein de kinks et pouvoir les pratiquer en me sentant en confiance, en me sentant à l'aise. Et puis ben, maintenant, me sentir moi-même dans cette sexualité que je pratique. Et ça fait vraiment partie de pourquoi je suis PD aujourd'hui. Et ça n'a pas été facile et ça a pris plein de temps. Et ça a été un chemin pavé de honte et de haine de soi. Et c'est ça que j'ai envie de dire de la communauté PD aujourd'hui. C'est que pour moi, c'est aussi une communauté où ce qui fait notre identité, c'est une volonté de ne pas juger les pratiques sexuelles des autres, y compris si c'est des trucs qu'on trouve dégueulasses et des trucs que la norme de la société trouve dégueulasses et trouve que les gens ne devraient pas faire. Ben, nous, on n'est pas là pour faire ça. Et les gens, ils ont des kinks chelous qu'on ne partage pas forcément, mais en fait, s'ils sont heureux en les faisant, moi, je trouve ça hyper beau. Et je trouve ça hyper beau de pouvoir vraiment s'épanouir et se sentir heureux en faisant des trucs que la plupart des gens trouvent complètement abjects. Voilà, ça me rend très heureux de faire ça. Être PD aujourd'hui, c'est désirer un garçon dans une soirée ou dans un groupe d'amis et puis le voir partir avec le mec le plus beau de la soirée et me trouver moche. Être PD aujourd'hui, c'est avoir des dilemmes comme comment être habillé corporate, du coup ben en chemise et pantalon, tout en étant une pédale flamboyante. J'ai pas encore de réponse. Je sais pas trop comment y répondre, à part savoir comment moi je vois le terme PD maintenant, savoir comment moi j'ai évolué avec ce côté PD en moi à l'heure actuelle. Mais pour moi, être PD aujourd'hui, c'est toujours envoyer des messages de réflexion autour de problématiques face à l'hétéronorme et sa pression qu'elle nous met sur la gueule à peu près tous les jours. Et du coup, pour moi, en tout cas, être PD aujourd'hui, c'est continuer à ne pas vouloir rentrer dans les cases dans lesquelles on aimerait nous rentrer, continuer à créer des imaginaires qui nous permettent de se trouver beau, belle, Et puis d'avoir envie d'exister, quoi, d'avoir envie d'être là, quitte à ce que ça en fasse chier quelques-uns, voire un paquet. Et du coup, voilà, enfin, je vais pas rentrer dans le détail de ça. Et après, je sais pas si la question tournait aussi autour des identités PD et de voir comment elles avaient évolué et ce que je peux voir un peu comme différence entre les identités PD que j'ai rencontrées quand j'avais 20 piges et celles que je rencontre maintenant quand j'en ai 37. Bah évidemment, ça s'est bougé. Moi, je crois que ça me fait plaisir de voir les choses qui bougent, des alliances qui se créent. Des liens qui existent de manière beaucoup plus réelle à l'heure actuelle qu'ils n'étaient il y a 15 ans. Et après, à des endroits, ça me perd un peu dans le commun qu'on partage. À des endroits, il y a du commun à créer, mais peut-être je vois moins de commun partagé sur des trucs passés. Du coup, voilà, c'est pas que toujours des trucs confortables et simples. Mais je crois que ça me fait quand même plaisir de voir les espaces se modifier, les questions continuer à se poser, et puis avoir envie d'avancer un peu ensemble vers des trucs chouettes, quoi. Est-ce que je l'ose celle-là? Allez, être PD aujourd'hui, c'est être bi. Ah, c'est clair, c'est clair. Oh là là, je pensais exactement à ça. J'étais grave en train de me dire ça. Ah ouais, mais du coup, tu peux expliciter? Ben, c'est juste que, enfin, j'ai vraiment passé, j'ai pensé à genre aujourd'hui, enfin, que ce truc de me dire PD pour moi, c'est aller avec le coming out de genre vouloir relationner avec des gars, et être attiré par des gars et à m'être fait un coming out à moi-même. Enfin, je sais pas, et que du coup après, ça a été faire un coming out PD et dire aux gens je suis PD, ce qui veut dire dans leur tête je relationne avec des gars et uniquement des gars en fait pour plein de monde quoi et que j'ai l'impression que c'est genre un récit que j'ai entendu des milliards de fois des potes qui font des coming out PD et la première personne dont ils tombent amoureux après c'est une meuf et de devoir gérer ça avec la famille ou ce genre de truc et que du coup ça rejoint ce qu'on disait un peu sur le truc de c'est pas une orientation sexuelle c'est une affirmation de la vie en entier et pas je couche avec tel type de personne et du coup ouais en fait être PD c'est être bi. Ok. Ben moi par exemple de moins en moins je pense que je suis totalement dans le truc inverse. Je pense que je ne peux plus du tout relationner avec des meufs cis. Ça ne marche plus et du coup bon alors, après je relationne pas qu'avec des mecs non plus parce que surtout avec d'autres personnes trans mais en tout cas je me sens de moins en moins bi. Voilà. Du coup c'est bien que nos vécus ils sont quand même sacrément différents même si et c'est drôle pour les histoires de relations. Moi je vois de plus en plus que les personnes par qui je suis attiré c'est vraiment quasi uniquement des personnes trans, que ce soit trans masque ou trans femme, mais globalement les personnes cis moi, c'est pas qu'un truc d'attirance. Hein. Je pense que je suis pas attiré que par des personnes trans, mais que je pense que c'est plus simple de relationner avec d'autres personnes trans pour plein de raisons. Mais c'est là où la question elle est vraiment complexe. Hein. Parce que pour moi, quand je me suis posé la question de qu'est-ce que c'est être PD aujourd'hui, et genre aujourd'hui, parce qu'il y a 10 ans, j'aurais pas du tout dit la même chose. Ben aujourd'hui, à 43 ans, c'est être très très seul. Et du coup, en fait, c'est très bizarre parce que moi, ça me ramène à un isolement avant de me définir comme PD, où je me sentais très très seul. Au moment où je commence à me définir comme PD et où je rencontre plein de gens, ben, je suis vachement moins seul. Et puis, on monte les web, donc du coup, ben, je rencontre plein de camarades PD. Et là, je trouve, enfin, je pense que c'est aussi un parcours personnel, hein, c'est pas, j'en ferai pas un système. En fait, je trouve en tant que PD, bah, je suis quand même plutôt isolé dans un milieu gay parce que du coup, bah, je suis entouré de gars bah, qui me ressemblent pas trop, alors avec qui je peux coucher, hein, tout à fait, ça me dérange pas spécialement, mais et ça arrive souvent, mais ça va pas tellement plus loin. Et en même temps, bah, en tant que PD, plutôt isolé dans un milieu trans-PD Gwyn parce qu'en fait, on n'est pas beaucoup de PD, je trouve. Voilà, moi j'en suis là aujourd'hui. Toi, tu le rattaches à un truc d'âge aussi. Alors oui, je sais pas si c'est peut-être tout à fait pertinent. Je pense que c'est pas tant la question de l'âge que après le moment où justement je rencontre le milieu TPG, ça me fait absolument briller les yeux et du coup on monte les web pour rencontrer d'autres PD et donc de fait ben je rencontre d'autres PD, donc c'est génial. Et c'est peut-être juste le l'étape suivante, c'est ben en fait qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce que je fais de ça, qu'est-ce qu'on construit, qu'est-ce qu'on construit pas. Parce que du coup, oui, les web, par exemple, c'est deux fois par an. Donc, en fait, qu'est-ce que je fais les six mois entre chaque web, quoi. Les organiser. Mais, mais qu'est-ce que tu fais quand tu as beaucoup fait ça et qu'en fait, ça suffit. Enfin, tu vois, et que c'est très bien que ça tourne aussi, je trouve. Oui, puis pour moi, il y a aussi y a les web, c'est deux fois par an. Il y a les tapettes qui sont des événements BDSM entre PD. Ça peut arriver qu'il y en ait plusieurs par an, mais enfin, voilà. Mais il y a aussi le quotidien. Et moi, la première réponse que j'ai envie d'avoir à qu'est-ce que c'est être PD aujourd'hui, en tout cas moi, le premier truc qui me vient, c'est passer des heures sur Grindr à essayer de rencontrer d'autres PD pour essayer d'avoir partager du cul, mais pas que, aussi de l'affection. Juste ça. Et en fait, ben, j'ai l'impression que si t'es pas dans une grande ville, genre Paris, Lyon, Marseille peut-être, et ben en fait le quotidien des PD aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup d'isolement et de solitude. Et moi je vais rajouter un truc par rapport à ça qui n'est pas de mon vécu, pas sur le truc de relationner avec d'autres personnes, mais sur la solitude et sur le quotidien, c'est galérer à sortir de chez soi parce que violence un peu de partout, en tant que trave, en tant que pédale trave. Insulte dans la rue, sortir, prendre un verre dans un bar, c'est s'exposer un peu à plein endroit, et un peu sortir de ma ville, prendre le train, me déplacer en stop. Avant de transitionner, je me déplaçais tout le temps en stop, je le fais plus maintenant, et que mon quotidien est devenu vraiment plus compliqué en devenant une pédale trave. Pareil pour ne serait-ce que si j'avais envie de chercher du taf, en chercher, ça devient compliqué. Enfin, plein d'endroits, c'est pas que la rue, mais globalement, quand je suis pas dans un endroit cloîtré, fermé, privé, et pourtant j'adore reprendre les espaces publics, mais que seul, c'est hyper compliqué. Oui, c'est ça. Mais en fait, ce que tu dis, ça me fait aussi dire, genre, c'est vrai qu'on a posé la question de c'est quoi être un PD aujourd'hui ? Ah, en ayant un peu, j'ai l'impression en tête, le truc de c'est quoi se définir comme PD aujourd'hui, mais qu'en fait c'est vrai que cette question elle pose aussi genre c'est quoi être un PD dans le sens c'est quoi être vu comme un PD aujourd'hui, et en fait c'est aussi ça, c'est aussi genre flipper dans la rue et machin, et du coup ça rejoint ce truc de pourquoi il y a un milieu gay mainstream qui plutôt genre fait des trucs qui vont dans le sens de pas trop visibiliser le fait d'être une folle, le fait d'être une pédale, le fait de nanani, c'est en fait c'est se mettre en sécurité, et en fait ça va dans ce sens là aussi. Peut-être on enchaîne avec une chanson. On enchaîne avec une chanson. Ça marche. C'est Bilal. C'est Bilal ? Oui. Il ou elle. J'ai pas franchi le seuil de la porte, que je suis déjà morte de peur. J'ai le charisme d'une feuille morte, quand tous les jours je veux être une fleur. Je veux goûter à toutes les saisons sans demander la permission. Je fais couler l'encre sur les cons sans jamais demander pardon. Ce soir c'est il ou bien c'est elle. De façon c'est du pareil au même. Des barésies ou des poèmes. J'ai mille façons de dire je t'aime. Ce soir c'est il ou bien c'est elle. De toute façon c'est du pareil au même. Des barésies ou des poèmes. J'ai mille façons de dire je t'aime. Oh, ah. Regardez l'heure en cours de fête. Ça m'arrivait toujours avant. Si tous les soirs je le regrette. Je change de tête comme de vêtements. Je veux goûter à toutes les saisons sans demander la permission. Je fais soir c'est il ou bien c'est elle. Qu'est-ce que t'aimes? J'm'ennuie quand t'as la flemme. Fais-moi rêver ce soir, fais-moi rêver demain. Quand t'as les yeux qui brillent, moi c'est tout ce que j'aime. Hey. Ce soir c'est il ou bien c'est elle. On est de retour sur Radio Dio dans les studios 89.5. Pédale Scandale, la première émission. Qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'on a des trucs à dire sur ce qu'on vient d'entendre ou est-ce qu'on enchaîne On peut dire que c'était du coup le morceau Il ou Elle de Bilal Hassani. Oui. Et on enchaîne sur le dernier petit bout de montage. Allez. Ok. La dernière question, c'était est-ce que les PD ont encore des choses à raconter, à transmettre à leur communauté, au reste du monde? Évidemment, on va pas disparaître, on a encore des choses à dire, que ce soit de la merde, que ce soit des trucs chouettes. On est là et on va continuer à dire des choses. Et je pense que c'est plus que jamais important, la transmission dans ta communauté, à travers les trucs générationnels, à travers les trucs politiques qui nous différencient. Et puis c'est très bien de sortir de nos discours intracommunautaires pour les faire ressortir au reste du monde parce qu'on vit pas dans un monde à part et que moi en tout cas personnellement je suis pour vivre avec des gens qui ne soient pas que dans une identité PD ou même plus largement TPG. Et du coup voilà, donc évidemment j'y vois un gros intérêt à que tout ce que je brainstorm dans ces espaces-là puisse rejaillir sur toutes mes amies hétéros qui m'entourent et compagnie. Et bon, alors après, à une certaine échelle un peu plus loin, mais souvent beaucoup plus loin, après c'est moins flagrant ma force de transmission, voire ça se passe plus dans la confrontation. Bref, donc voilà, Nancy, on a plein de choses à raconter, hein. Enfin je veux dire, c'est pas qu'on soit... On soit géniaux, mais on est là, on a des bêtises à raconter, et on a des vies à transmettre, des réalités à transmettre, parce que moi je vois que les années passant, c'est dur d'imaginer les réalités passées des autres. Et du coup, voilà, ça peut permettre des fois que la cohabitation entre les différents groupes soit beaucoup plus respectueuse, en tout cas, et moins dans de l'affrontement, de la rivalité, ou je ne sais quoi. Ou du snobisme, ou... bref, dans tous les différents styles possibles. Voilà, par contre, je ne vais pas rentrer dans le détail de qu'est-ce qu'on a à dire, hein, parce que là, on y sera encore demain, après-demain, et après-après-demain, voire je ne sais pas jusqu'à quand. Du coup, voilà, voilà, tant que j'aurai une voix, j'espère qu'elle sera encore là pour raconter des trucs. Et à mes amis, et puis voilà. Moi, je suis arrivé dans les réseaux PD en détestant extrêmement fort les PD6 parce que j'étais persuadé qu'ils allaient mal m'accueillir parce que j'étais un gars trans en début de transition. J'étais persuadé qu'ils me verraient jamais comme un mec, que personne n'aurait du désir pour moi, que personne tomberait amoureux de moi, que personne serait mon camarade parce qu'ils en avaient rien à foutre de la transphobie et qu'ils allaient tous... m'ignorer, faire comme si j'existais pas, voire dans le pire des cas me demander de partir et ne pas me respecter. Et je suis resté dans cet état d'esprit-là pendant quelques années. J'étais vraiment vénère, j'avais vraiment une sensation d'exclusion tout le temps. J'étais sur le qui-vive dès qu'on m'adressait la parole, je prêtais toujours les pires intentions aux personnes qui me disaient des trucs un peu maladroits. Je me disais pas, ah, c'est de la maladresse. En vrai, il cherchait pas à mal, mais juste, il connaît pas trop. Je me disais, l'ignorance, c'est la pire des violences. Google, ça existe. Les gens sont des monstres. Il a utilisé un mot qu'il fallait pas utiliser. Il faut plus jamais qu'il soit invité à tel événement. Bref, j'étais vraiment très en colère. Et j'ai l'impression que le plus beau cadeau que les PD m'ont fait, c'est de ne pas être effrayé par cette colère-là. Et ne pas non plus se fatiguer d'essayer de me parler, de discuter et de traîner avec moi. Parce que ça peut arriver des fois quand les gens ils sont trop en colère et on n'en peut plus. Et ça dure des années et ils sont tout le temps toujours très catégoriques, très sûrs d'eux dans qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut pas dire, etc. Ben, on en a marre en fait, on n'a plus envie de les voir au bout d'un moment. Et ben ça, c'est pas arrivé. Les gens, ils ont continué à traîner avec moi. Même, il y en a plein qui se sont posés des questions. Il y a plein de discussions qui étaient, je pense, difficiles à avoir, que les gens n'ont pas fui. Ils ont, je sais pas, ils ont fait le taf de discuter de comment ça se passe dans ces réseaux-là, de se poser la question, ben, peut-être moi, des fois, je fais de la merde, de se poser la question, qu'est-ce que je fais pour que les gens se sentent bienvenus, qu'est-ce que je fais pour montrer aux camarades que c'est mes camarades et que je les aime, et que j'ai envie qu'ils soient là. Comment est-ce qu'on fait pour être en conflit et pour pas s'entre-déchirer quand même et tout ce taf-là, je m'y attendais pas en fait, parce que d'autres endroits que je côtoyais qui n'étaient pas des espaces PD, c'est jamais arrivé qu'on se pose ces questions-là, et plutôt ben, le fait que je sois tout le temps en colère, ça a plutôt découlé sur le fait que ben, on m'invite plus et qu'on n'a plus envie de me voir parce que c'est chiant. Et je suis trop reconnaissant en fait de ce taf-là qui a été fait, parce qu'en fait j'ai l'impression que les réseaux PD comme je les ai connus il y a 7 ans, ils n'ont plus rien à voir avec les réseaux PD d'aujourd'hui, et pourtant il y a plein de personnes qui n'ont pas bougé, qui sont toujours là, et que c'est juste, en fait les gens ils sont pas statiques, ils sont tout le temps en mouvement, ils se remettent en question, ils discutent, ils sont patients aussi quand t'arrives et que t'as trop les nerfs et que tu dis des trucs qui sont un peu incohérent et qui mettent en boîte tout le monde, bah ils attendent que ça aille mieux dans ta vie pour te reparler plus tard. Et en fait, cette compassion-là, moi, je ne l'ai jamais trouvée ailleurs. J'ai jamais connu une communauté ou un espace où il y avait autant de volonté à prendre soin des autres et à se dire, on ne sait pas trop comment faire, mais on a vraiment envie que tu te sentes bien ici. Et on va galérer, on va faire plein de merde, mais en fait... on veut te prouver qu'on peut y arriver. Et je ne m'attendais pas à trouver des amis, des camarades, des amants, des amoureux qui me montrent à quel point j'ai ma place ici et à quel point je suis important et à quel point c'est précieux de pouvoir discuter, avoir des débats et des désaccords sans se quitter, sans avoir des ruptures, sans se détester. Et sans se séparer en fait. Et je pense ce rapport-là à la communauté, un rapport de mouvement, d'apprendre de ses erreurs, d'apprendre des autres, d'avoir de la patience et de la compassion pour les autres quand ils sont en colère ou quand ils sont pas dans le bon état d'esprit pour pouvoir discuter, et ben c'est trop précieux en fait. Et ça, je l'ai vu nulle part ailleurs. Et comme disait un pote, ben en fait la communauté PD ces dernières années, elle a bougé 1000 fois plus vite sur l'accueil des personnes trans, par exemple, que certains réseaux féministes majoritairement cis, etc. Et pour moi, c'est pas un hasard, et c'est trop précieux qu'il y ait cette faculté-là chez les PD à se réinventer, à s'aimer très très fort, suffisamment fort pour se regarder dans un miroir et voir qu'est-ce qu'on doit changer dans sa manière de faire, et à assumer d'avoir des conflits à plein d'endroits. Et que c'est fatigant, c'est chiant, ça fait peur, mais c'est ça qui fait que on se montre qu'on a de la valeur et qu'on a envie de grandir ensemble et qu'on a envie de continuer à construire des trucs militants ensemble. Voilà, pour moi, c'est ça que les PD ont à transmettre au monde et surtout à transmettre aux autres, à leurs proches, à leurs amis, à leurs camarades, à transmettre que ben. Des fois, oui, on est très en colère contre les gens et on a peur d'eux et on n'a pas envie d'être proche d'eux et de leur faire confiance, mais en fait, avec suffisamment je sais pas, de taf, de soins, de délicatesse et d'entourage, et ben ça peut marcher ces trucs-là et ça peut changer la vie des gens. Waouh. Tellement beau quand on en a pris plein la gueule dans les milieux féministes. Ouais, bah, moi en tout cas, je rejoins ce que dit cette personne sur la capacité des espaces PD, en tout cas moi que je connais, à avoir évolué les dernières années. Je suis complètement d'accord que ça va beaucoup plus vite que dans plein d'autres espaces féministes. Et moi, un des trucs, la question de qu'est-ce qu'on a à transmettre au reste du monde, et ben, par exemple, je trouve qu'un des trucs que j'ai envie de transmettre, c'est aux copines féministes. Même parfois qui sont proches et même des milieux proches, c'est que ben, on existe. Et tout simplement ça, parce que moi ça m'arrive encore quand même dans des espaces meuf win trans ou sans mixiste ou, que je peux fréquenter encore à des moments, que, d'entendre que de toute façon il n'y a pas de PD. Et t'es là, ben en fait, même dans vos espaces, il y en a, puisqu'il y a des mecs trans qui sont là et qui sont PD. Mais du coup, je trouve ça fait toujours un espèce de truc. Moi qui me fait je trouve ça me fait à chaque fois un truc assez violent en fait d'entendre ça. Voilà, du coup un des premiers trucs que j'ai envie de leur dire, bah si on existe et on existe de plein de manières. Et la preuve. La preuve. Moi ça m'avait pensé à... moi aussi ce que je me suis dit c'était genre entre autres ce que les PD ont à transmettre mais qui au final concerne ou devrait concerner tout le reste de la commune et de la communauté TPG ou LGBT ou je sais pas, c'est juste le truc de la transmission de génération en génération, un truc de que moi je sens fort en ce moment et j'ai l'impression que c'est aussi parce que moi je me retrouve pas mal dans des entre-deux des fois de ça, de tout ce qui se passe autour du queer en ce moment et de en fait il y a comment dire une méga libération autour du truc de pouvoir affirmer des identités de genre, de pouvoir affirmer des sexualités qui soient pas hétéro, qui a l'air de s'ouvrir et en même temps qui a l'air de s'ouvrir aussi avec des trucs questionnants de la récupération capitaliste de ça, du libéralisme là-dedans, de comment on, ça a surtout l'air, enfin comment les façons de faire poussent les gens des fois à être dans des dynamiques individuelles et pas forcément des trucs collectifs qui donnent de la force pour lutter. Mais qu'en fait, tout ça se rencontre avec des milieux de culture TPG anarcho-féministe et tout ça. Et qu'en fait, il y a des moments où ça se rencontre, des moments où ça marche, des moments où ça marche pas. Mais qu'en tout cas, moi, j'ai l'impression que ce qu'il y a un truc à faire, c'est, c'est qu'il y a un moment où on arrive à se donner de la force et à se transmettre des trucs aussi de l'ordre de c'est quoi les luttes passées, c'est quoi les trucs qui se sont faits avant, c'est quoi... comment on fait pour arrêter d'avoir l'impression de tout réinventer tous les deux ans, même si, enfin, je sais pas comment dire. Et en fait, faut garder ce truc en même temps. J'ai l'impression, c'est ce qui se fait aussi sur les mouvements sociaux ou ce genre de truc, quoi. En fait, il y a des besoins à des moments d'excitation et de se sentir tout réinventer à tous les coups. Et en même temps, en fait, il y a des fois aussi, on s'épuise parce qu'on n'a pas les infos ou les témoignages de gens qui sont peut-être sûrement exclus d'ailleurs des milieux s'ils sont pas là. Et du coup, j'ai l'impression que les PD peuvent faire ça. On va arriver à la fin de l'émission. Ouais, moi, je voulais bien rajouter un truc. Moi, en tout cas, ce qui m'a... un des trucs aussi qui m'a beaucoup surpris quand j'ai commencé à aller dans les espaces PD, notamment les web, mais que je peux retrouver aussi dans... quand je lis PD la revue, où c'est qu'en fait, à chaque fois, j'ai des discussions politiques et qui ne concernent pas que notre genre ou notre sexualité dans ces espaces-là, que je trouve souvent assez, enfin, très intéressant, profond, et que, ben, à part PD la revue, je trouve qu'il y a. À chaque fois, je reviens des web et je suis là, waouh, ouais, mais on a eu des discussions de fou sur des sujets hyper divers et qui concernent notre rapport au monde, tout simplement, et que, ben, comment on les transmet, comment on transmet ce qu'on se raconte et tout ça. Voilà, du coup, j'espère que ben, cette émission de radio, elle pourra participer à ça. Oh, c'est sûr.